Bonjour, nous sommes le vendredi 21 juin et ce bulletin d'information de 13h45 du service français de NHK World Japan vous est présenté par Viviane Morelli. Voici tout d'abord les titres de cette édition. Un nombre record de 56 candidats se présente à la course au poste de gouverneur de Tokyo. Des pluies torrentielles s'abattent sur la région de Kyushu au Japon. Et puis le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'exclut pas la possibilité de fournir des armes à la Corée du Nord. Un nombre record de 56 candidats se sont lancés dans la course officielle de 17 jours pour choisir en juillet le prochain dirigeant de Tokyo lors des élections au poste de gouverneur. Ce chiffre représente plus du double des 22 candidats qui s'étaient présentés lors du précédent scrutin en 2020. Le principal parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate et son partenaire de coalition Komeito soutiennent volontairement la candidate sortante Koike Yuriko. Elle reçoit également le soutien volontaire de la section de Tokyo du Parti démocratique pour le peuple et du parti régional Tomin First. Le Parti constitutionnel démocrate, le Parti communiste japonais et le Parti démocrate du peuple soutiennent Len Ho, ancienne membre de la Chambre haute. Le Parti japonais de l'innovation et le Reiwa Shinsengumi ne soutiennent aucun candidat. Les formations, l'éducation gratuite pour tous et Sanseito permettront aux membres de leurs partis respectifs de voter librement. La campagne sera principalement axée sur la manière dont Mme Koike a géré le poste de gouverneur au cours des 8 dernières années pendant ses 2 mandats. Les candidats présenteront une série de propositions. L'un des principaux thèmes abordés devrait être la baisse du nombre de naissances, Tokyo ayant récemment enregistré le taux de fécondité le plus bas du pays. Le vote est prévu pour le 7 juillet. Des bandes de nuages de pluie abondantes se sont formées sur certaines parties du département de Kagoshima, provoquant des averses torrentielles. Les autorités météorologiques invitent les habitants de ce département et d'autres parties de la région de Kyushu à rester vigilants face aux risques liés à la pluie, notamment les coulées de boue et les inondations. L'agence météorologique indique que les conditions atmosphériques sur la région du sud-ouest restent extrêmement instables, l'air chaud et humide s'écoulant vers un front pluvieux saisonnier. Une alerte aux coulées de boue est en place dans certaines zones du département de Kagoshima. Des orages pourraient continuer à affecter le sud de Kyushu jusqu'à midi vendredi. Les responsables de l'agence météorologique appellent les habitants de la région à se méfier des coulées de boue, des débordements de rivières et des inondations, ainsi que de la foudre et des rafales de vent. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité de fournir des armes à la Corée du Nord en tenant compte des accords conclus entre Moscou et Pyongyang. M. Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé un traité mercredi à Pyongyang. Son texte, rendu public par la Corée du Nord, stipule que les deux pays s'apporteront une assistance militaire mutuelle si l'un d'entre eux est mis en état de guerre par une invasion armée. Le président russe s'est exprimé lors d'une conférence de presse dans la capitale vietnamienne, Hanoï, qu'il a visitée après son voyage en Corée du Nord. Un journaliste lui a demandé si l'on pouvait parler d'invasion armée s'il s'avérait que l'Ukraine avait attaqué des positions sur le territoire russe avec des armes fournies par l'Occident. Il a répondu qu'une telle situation était proche et que Moscou procédait à une analyse. Il a également déclaré que la Russie se réservait le droit de fournir des armes à d'autres régions du monde, y compris à la Corée du Nord. Toutefois, il a souligné que le traité n'était pas différent de celui conclu entre l'Union soviétique et la Corée du Nord. Cette remarque contraste avec l'évaluation de M. Kim selon laquelle les relations entre la Corée du Nord et la Russie ont atteint le niveau d'une alliance. Moscou n'a pas non plus divulgué le contenu du traité. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu au Vietnam et s'est entretenu avec le président du pays, Tô Lâm, jeudi. Ils ont convenu de renforcer les liens bilatéraux dans des domaines tels que le commerce et l'énergie. M. Poutine a déclaré qu'il souhaitait que les deux pays renforcent leur partenariat stratégique. Lors d'une conférence de presse conjointe, il a déclaré que le commerce bilatéral avait déjà augmenté de plus de 30% cette année. Il a également déclaré que les entreprises russes étaient prêtes à participer à de grands projets de gaz naturel liquéfié au Vietnam. Les deux parties sont proches depuis l'époque de l'Union soviétique. Cela n'a pas empêché le Vietnam d'approfondir ses liens avec les États-Unis et le Japon, principalement dans les domaines de l'investissement et du commerce. Monsieur Poutine a ensuite rencontré le plus haut dirigeant vietnamien, le secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong. Les observateurs estiment que le Kremlin souhaite renforcer ses liens d'amitié à un moment où les pays occidentaux cherchent à isoler la Russie pour avoir envahi l'Ukraine. Et puis, l'armée israélienne et le mouvement musulman chiite Hezbollah au Liban voisin continuent de se livrer à des attaques mutuelles depuis plusieurs jours. Il est à craindre que la situation ne se détériore encore avec une éventuelle incursion du Hezbollah dans le nord d'Israël. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a poursuivi son offensive contre le groupe islamique Hamas, dont le Hezbollah est solidaire. L'armée a annoncé jeudi qu'une frappe aérienne dans le nord de la bande de Gaza avait permis d'éliminer un commandant d'escadron du Hamas. Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que 35 personnes avaient été tuées au cours des attaques israéliennes en l'espace de 24 heures. Israël a également tué ce jeudi un commandant du Hezbollah lors d'une frappe aérienne au Liban. Le Hezbollah a réagi le jour même en tirant des roquettes sur Israël. Mercredi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré dans un discours que si la guerre était imposée au Liban, son groupe se battrait sans règles ni limites. Il avertit qu'une invasion de la partie nord d'Israël restait envisageable si la confrontation s'intensifiait. L'agence Associated Press a rapporté que les frappes israéliennes ont tué plus de 400 personnes au Liban, y compris des combattants du Hezbollah et des civils. Le média précise que 16 soldats et 11 civils ont été tués dans le nord d'Israël. Un rappel des titres principaux avant de clôturer ce journal. Un nombre record de 56 candidats se présentent à la course au poste de gouverneur de Tokyo. Des pluies torrentielles s'abattent sur la région de Kyushu au Japon. Et puis le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'exclut pas de fournir des armes à la Corée du Nord. Ce journal est maintenant terminé. Merci d'être à l'écoute du service français de NHK World Japan.